Waouh, pas vraiment une bombe l'auto là. Hein. Ah, je monte pas là-dedans moi. Qu'est-ce que tu parles, tu montes pas là-dedans, sérieux. T'as pas de voiture et rien que tu parles. Rien que tu ouvres ta gueule. Ouais, mais t'es mal à l'intérieur en papier de verre. Et tu te vois pas belle tous les matins, c'est pour ça que t'as plus de cheveux. Qu'est-ce que tu parles, là les semelles comment elles sont usées tellement tu marches toute la semaine. Hein. Toute la semaine t'es en train de marcher, en train de frotter ta gueule par terre. Eh, hey, t'as traîné avec Colombo ou quoi? T'es mal à la voiture, elle a sorti à tape au cou. Là c'est à l'huile d'olive. Non, vas-y, vas-y, arrête de bréchant et fous la zigmure. Toca. Wouah, je l'avais pas vu le poste sans façade.